Quand je te vois, y'a plus rien autour. Le rêve était trop court. Mon premier, mon dernier amour. Toi qui j'ai tout donné. Toi que je n'ai jamais oublié. Mon cœur est sous scellé. Toi seul peux me libérer. Tu me dis que c'est mort. Tu ne fais pas d'efforts. Je sais que j'ai mes torts. Et que mes actes ne suivent pas les mots. J'ai du mal à mon égo. Je t'ai pris pour un con. Tu n'avais plus confiance. Et je t'ai donné raison. J'ai du mal à mon égo. Oh, je t'aime beaucoup trop. Mais te faire du mal, je sais c'est mon défaut. Je perds mon temps avec les autres. Mais avec toi c'est pas pareil. Et à trop vouloir tous leur plaire, c'est toi que j'ai perdu. Il n'y a qu'à toi que je les compare. Mais je fais toujours les mêmes erreurs. Je me réveille quand il est trop tard. Je transforme notre paradis en enfer. Tu me dis que c'est mort. Tu ne fais pas d'efforts. Je sais que j'ai mes torts. Et que mes actes ne suivent pas les mots. J'ai du mal. Plus confiance, si je t'ai donné raison. J'ai...